287e chapitre, les tempêtes d'équinoxe. Les aviateurs firent sur la montagne un excellent repas. « Vraiment, dit Fabien, je ne me serais pas attendu à une telle réception. Ces montagnards sont vraiment d'excellentes gens. »« Cela tient, répondit M. Voirin, à ce qu'ils mènent ici une vie calme. » La nature leur fournit tout ce dont ils ont besoin, et ils n'éprouvent point le désir, comme les habitants des régions pauvres, de s'approprier le bien d'autrui. L'ingénieur fit quelques cadeaux au brave montagnard, et il s'apprêtait à se remettre en route, quand une musique étrange, qui ressemblait un peu à celle des nègres, se fit entendre tout à coup. C'étaient les James qui donnaient une aubade aux aviateurs. « La fête est complète, dit Fabien. Et je me souviendrai longtemps de cette réception. » Il fallait cependant se remettre en route, et les aviateurs n'envisageaient point sans appréhension la minute du départ. En effet, ils avaient devant eux comme espace 50 mètres au plus. Il fallait donc que l'aéro se mît en vitesse et arrivât à planer au moment où il se lancerait au-dessus de l'abîme. Si, à ce moment, le moteur faisait des siennes, c'était la chute, c'est-à-dire la catastrophe. Monsieur Voirin s'approcha de Grondard. « Vous êtes sûr de votre moteur ? » demanda-t-il. « Je le crois, » répondit le mécanicien. « D'ailleurs, nous allons l'essayer. » Le mécanicien mit le moteur en marche, et comme il se comportait bien, l'ingénieur devint moins inquiet. « Allons, » dit-il, « préparons-nous. » Il prit congé des James, qui tinrent tous à serrer la main aux aviateurs, et chacun prit place à bord. Il y eut bientôt un ronflement, et l'appareil se mit à filer sur le sol avec une rapidité vertigineuse. À l'extrémité de la plateforme, il plana d'un vol majestueux et s'éleva progressivement. Le but de M. Voirin était de dépasser en biais la chaîne des monts Hooker, mais au bout de quelques instants de marche, il s'aperçut que cela serait impossible. Le vent s'était mis en effet à souffler avec violence et repoussait l'aéro dans la direction du sud-ouest. Bientôt on entendit un sourd mugissement. Les aviateurs étaient de nouveau entraînés vers la mer. Celle-ci était terrifiante. Des vagues d'une hauteur énorme venaient s'abattre avec un fracas tumultueux sur les récifs qui bordaient le rivage. Les aviateurs allaient assister au spectacle le plus terrifiant qu'il soit donné de contempler, une tempête d'équinoxe sur le Pacifique. On sait qu'il est certaines époques de l'année où les tempêtes sont surtout fréquentes et désastreuses. Aux jours qui précèdent et qui suivent les équinoxes, les agitations de l'atmosphère redoublent. La nature semble éprouver une crise nouvelle. Les vents réguliers de certains parages soufflent avec une violence inaccoutumée. La mer de Chine est bouleversée par des typhons. Le petit nuage blanc du cap de Bonne-Espérance, que les marins ont nommé « œil de bœuf », sinistre et infaillible avant-coureur des orages, se montre plus souvent sur la montagne de la Table. Il se pose là comme le génie des tempêtes sur son trône et donne aux navigateurs de menaçants enseignements. Le mistral ou vent desséchant sur la côte de Provence manque rarement de faire entendre ses sifflements. Aux atterrages de la Bretagne, dans le golfe de Gascogne et sur les sondes qui annoncent les approches de la Manche, les subites sautes de vent mettent en danger bien des navires. Dans les régions équatoriales, sous le brûlant climat de la Guinée, les calmes habituels sont interrompus par les tornades. Les pamperos du Brésil, les nortes du golfe du Mexique, et dans les Antilles, les ouragans, que les premiers habitants conjuraient comme le déchaînement des noirs esprits, impriment partout la terreur et l'épouvante. Car partout ils ont laissé de funestes traces de leur passage, et les traditions populaires les ont animées de poétiques et sombres couleurs. Le nègre de la Jamaïque abandonne sa cachette et descend de ses montagnes bleues. Il n'oserait pas attendre sur leur cime la voix du grand sorcier qui éclate au milieu de l'ouragan. Son imagination sauvage lui retrace encore la fin du monde dans ses convulsions de l'atmosphère. par un singulier concours de causes diverses, les grandes marées des équinoxes s'élèvent quelquefois à une prodigieuse hauteur, et aux ravages des tempêtes de l'air ajoutent encore des désastres aussi redoutables, mais plus imprévus. Dans le nord de l'Amérique, les tempêtes ont quelque chose de grandiose et de farouche. Monsieur Voirin, comprenant que s'il se laissait emporter sur la mer, il était perdu, faisait tous ses efforts pour se maintenir au-dessus du sol. Il avait pris le volant et exécutait des prodiges d'adresse. « Coûte que coûte, il faut atterrir !» dit-il enfin. Un atterrissage dangereux est encore préférable à ce qui nous attend là-bas. Sur cette mer déchaînée, nous serions perdus. » Après avoir opéré deux ou trois virages laborieux, l'ingénieur se décida enfin à se poser dans une plaine verdoyante. La chute, si elle devait être brutale, le serait toujours moins sur un tapis de gazon. Le contact avec le sol fut rude. Deux haubans craquèrent et une des ailes porta sur la pointe. À la hâte, les aviateurs attachèrent leur appareil, puis ils demeurèrent couchés sur la terre, car la violence du vent était telle qu'ils ne pouvaient se tenir debout. En Europe, les tempêtes sont de courte durée. En Amérique et surtout dans les régions où se trouvaient nos amis, elles durent quelquefois plusieurs jours. Fort heureusement, tout en conservant la même force, le vent changea soudain de direction. Les aviateurs furent moins incommodés. Ils purent alors réparer assez facilement. 2 heures après, ils se remettaient en route. Cette partie du voyage menaçait d'être accidentée, car on allait arriver sur les Rocky Mountains, les montagnes rocheuses. Monsieur Voirin, ne se dissimulant pas les difficultés que l'on allait rencontrer, mais suivant son habitude, il ne dit rien à ses compagnons pour ne pas les alarmer inutilement. Il consulta sa carte, choisit l'endroit le moins élevé des pics rocheux, puis dit à ses compagnons « Le vent se calme. Dans quelques instants, nous pourrons repartir. »« Oh ! » fit Grondard, « ça souffle encore joliment. »« C'est vrai, mais au lieu d'avoir le vent debout, nous l'aurons par l'arrière. » Cela nous avantagera.